À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, conférences et séances de films ont eu lieu en Guinée et au Nigeria. Aux séances de films ont été projetés les documentaires coréens « Le drapeau du Parti du Travail de Corée » et « La venue des scientifiques Mirae ». Les orateurs ont dit que le président Kim Il-sung a édifié la Corée puissante, indépendante en politique et en économie et autodéfensive, et consacré toute sa vie pour la liberté et la libération du peuple et la victoire de l'œuvre socialiste.